Chapitre 14e, la fête de Pacano. Arrivé chez lui, Raphaël s'enferma dans son atelier, et les yeux sur ce portrait de la Fornarina, ébauché le premier soir de ses amours, il resta de longues heures plongé dans une muette contemplation. Il ne sortit de cette rêverie que lorsque Stella, descendant à son heure accoutumée des appartements supérieurs, souleva la grande portière en tapisserie qui séparait l'atelier des autres parties de la maison. Au frôlement de sa robe de soie, Raphaël releva la tête et, voyant devant lui le ravissant modèle qu'il avait si longtemps rêvé, il s'élança vers la jeune fille et la pressant énergiquement sur son cœur, il la couvrit de baisers de feu. Habituée déjà aux tendresses de l'artiste, Stella ne vit dans ses embrassements que l'expression ordinaire de son amour. Elle ne devina point le rude assaut qui venait d'être livré à son cœur. Confiante dans son ignorance, elle s'assit sur les genoux de son bien-aimé, et ses yeux bleus se mirèrent longtemps dans son doux regard. Stella avait bien grandi en grâce et en beauté depuis qu'elle avait quitté la rue des marchands de Chapelet. L'amour a des rayonnements qui complètent la beauté de la femme et arment son front d'une séduction souveraine. Amante passionnée du grand artiste qu'il adorait, la Fornarina avait pris sur ses joues, sur ses lèvres, dans ses yeux, dans la grâce de ses gestes et de ses mouvements, cette irradiation merveilleuse qui sollicite l'amour à toute heure et, vestale nouvelle, se pose en fidèle gardienne de l'étincelle sacrée. De jour en jour, auprès de Stella, l'amour de Raphaël grandissait, et l'histoire de cet amour était chaque jour, par de nouveaux chefs-d'œuvre, racontée à la postérité. Car, aiguillonnée par Stella, qui, dans le Sanzio, aimait d'une égale ardeur et l'homme et l'artiste, Raphaël avait repris ce goût du travail qui le faisait se multiplier dans Rome, courir d'un atelier dans l'autre, aller d'une fresque païenne à un tableau chrétien. Et jamais, quand la palette était dans ses mains, l'inspiration ne faisait défaut. Le trait attendu venait à point pour avancer l'œuvre, la tête avait précédé le bras. Cependant, la fête de Bacano approchait. Dans la campagne romaine, la fête d'un village qu'il s'appelle Subiaco, la Storta, Genzano, Tivoli, est le rendez-vous obligé de quiconque aime la joie et les plaisirs. Tout Rome se promettait donc d'assister à la fête prochaine de Bacano, et cela d'autant plus volontiers que par un heureux retour, à l'hiver avait succédé le printemps paré de sa verdure naissante et de toutes ses fleurs. La Vanozza, elle aussi, voyait depuis longtemps, avec joie, venir le jour de la fête de Bacano. Comme les autres, elle irait se mêler aux danses et respirer les premiers zéphyrs sur les pelouses embaumées. Mais ce jour était pour elle une date depuis longtemps arrêtée. De plus que les autres, elle apportait à cette fête l'idée fixe de la vengeance qu'elle nourrissait depuis le jour où elle avait été méprisée par Raphaël. Vengeance implacable et qui devait atteindre deux cœurs à la fois, celui de l'artiste et celui de la Fornarina. En attendant, elle a quitté son palais de la place Antonine et simuler un départ précipité pour Venise afin de donner le change à Raphaël dans le cas où il viendrait prendre des informations. Elle ne quitte plus sa petite maison près de Saint-Jean de Latran. Dans une dernière visite qu'elle a faite à la rue des marchands de Chapelet, elle a embrassé avec effusion Mama Lucia, lui annonçant un prochain voyage, et s'est séparée d'elle en pleurant, non toutefois sans avoir versé dans son verre quelques gouttes de cette liqueur que les Borgia avaient rendue célèbre dans toute l'Italie. Les habits de femme sont complètement abandonnés. La Vanozza n'existe plus, et Antonio Vanozzi, prétextant l'absence de travail, passe la moitié de ses journées dans l'atelier de Paolo qui l'aide, et la nuit, il court la ville et les joyeuses parties avec ses nouveaux compagnons. Jamais, sous ces apparences légères de dissipation, on ne soupçonnerait une sombre jalousie de femme qui ne connaîtra point d'obstacle à sa vengeance. Le jour de la fête est venu. Le soleil s'est montré complaisant pour les Romains. Il inonde de chauds rayons toute la campagne, donne la vie comme un plaisir à toutes ces fleurs printanières qui n'attendent que son premier regard bienveillant pour éclore et s'épanouir au milieu des gazons verdoyants. Le silence est tout d'azur limpide. Une brise légère et molle souffle à peine à travers les feuilles naissantes des arbres. La journée promet d'être magnifique. Aussi, toute la ville est sur pied. Dès le matin, les chemins qui conduisent à Bacano sont encombrés de piétons, de cavaliers, de voitures, de légers chariots qui se rendent à la fête. Rome, comme aux anciens jours des grandes théories, a déversé toute sa population sur la grande route et les campagnes voisines, jeunes garçons et jeunes filles à court en chantant au village qu'il convient à la danse et au plaisir. Rien de pittoresque à voir comme tous ces costumes bariolés, écartelés de couleurs étincelantes. Les brunes filles de la Storta, de Genzano, de Tivoli, adorent le rouge écarlate qui, à leur corsage ou à leur col, fait refléter les longues tresses de leurs cheveux noirs comme l'aile du corbeau. Les citadins ne le cèdent pas aux campagnards. La mode du jour ne les a pas encore réduits à s'habiller tous uniformément de deuil, et rien n'égale la richesse et la variété éblouissante des costumes qu'ils ont adoptés pour cette fête des champs. Le brocart et le velours, l'or et la soie, sont jetés à profusion sur les épaules, et les dentelles ne servent qu'à rehausser, comme un futile ornement, tout cet éclat de parure. Au reste, dès le matin, la joie de la fête est en harmonie avec ces magnificences du ciel et des costumes romains. La gaieté brille sur tous les visages, le rire épanouit toutes les lèvres, et les propos charmants qu'a toujours tolérés la galanterie italienne s'échangent lestement entre les jeunes gens et les jeunes femmes qui se rencontrent à la danse pour la première fois. Les bosquets retentissent de toutes parts de paroles fringantes et joyeuses, et l'aventureux Popolano ne craint pas d'adresser un sonnet amoureux à la maîtresse d'un cardinal. Sous une tonnelle ombragée de lauriers roses et de chèvrefeuilles en fleurs, nous retrouvons Paolo, Antonio Manozzi, Giacomo et leurs compagnons ordinaires. Giacomo a dansé la saltarella nouvelle, qu'il avait préparée pour cette fête avec un succès inouï, et une jeune paysanne de Subiaco a promis de la danser avec lui quand il voudrait la recommencer. Citadins et campagnards ont applaudi avec des transports d'enthousiasme frénétique le jeune artiste, et les érudits ont comparé sa grâce charmante et son agilité à celle de leur ancêtre Alphécibé, le danseur immortalisé par un vers de Virgile. Paolo et tous ses camarades sont heureux du triomphe de leur ami. Ils l'escortaient tous quand il est entré dans le quinconce du bal, et les premiers, ils ont donné le signal des applaudissements. Quant à Antonio Manozzi, jamais gaieté plus expansive n'avait rayonné sur son brun visage. On dirait que la fête de Baccano n'a été donnée que pour lui seul. Il est pétillant de verve et de saillie accompagné de sourires charmants. « Et ton histoire de Venise ?» lui demande tout à coup Giacomo. « Quand saurons-nous la fin ?»« Bientôt, mes amis, bientôt, » répond Antonio. « Je vous la promets avant ce soir. J'ai reçu ce matin une lettre de Venise que je ne lirai que tantôt. Profitons du moment, amusons-nous. » Puisses-tu tenir ta parole, Antonio ? Répondit un des compagnons, et nous réserver une bonne histoire pour finir dignement cette journée. Et la fête autour des jeunes artistes devenait à tout instant plus bruyante et plus animée. Chaque minute amenait sur les vertes pelouses les retardataires, qui, montant aussitôt leur gaieté au diapason le plus élevé, cherchaient à réparer le temps perdu et attisaient ainsi sans cesse, avec une nouvelle ardeur, ce foyer de folie et d'amusement. Si Giacomo et ses amis avaient été moins occupés de leur plaisir, ils auraient remarqué que de temps à autre, un facétieux Popolano venait rôder autour de la tonnelle sous laquelle il s'était retiré. Cet homme chantait et riait, tournait autour des joyeux compagnons jusqu'à ce qu'il eût rencontré le regard d'Antonio. Celui-ci, en leur connaissant sans doute, faisait un léger signe de tête et le Popolano s'éloignait pour revenir quelques instants après. Ces signes étaient toujours les mêmes. Il devenait évident dès lors qu'Antonio et le Popolano étaient d'intelligence et qu'entre eux existait un projet clandestin dont l'heure retardait l'exécution. Un seul homme cependant manquait à cette fête et bien des yeux habitués à le voir le cherchaient avec anxiété dans la foule. Raphaël aimait avec passion ces réunions populaires et quelles que fussent les occupations, les devoirs même qui auraient pu réclamer sa présence ailleurs, il ne s'abstenait jamais d'assister à ces fêtes champêtres et toujours s'y rendait des premiers. Il n'avait cependant point encore paru dans les bosquets de Baccano. Ses disciples chéris, qui tous étaient venus là pour faire cortège au maître, se demandaient avec inquiétude les uns aux autres la cause de ce retard, et nul ne pouvait la donner. Déjà, l'ardent midi inondait de ses feux toute la campagne, l'ombre fraîche était recherchée, et Raphaël ne venait pas. Tout à coup, au milieu d'un groupe de Popolani, étincelant d'écarlate et de verre miroitant, apparut le grand peintre dans son beau et sévère costume de velours noir, ce costume qui immortalisa son pinceau. À son bras s'appuyait radieuse, avec une négligence adorable, la plus belle des filles des États romains, la divine Fornarina. à son aspect, de tous les points de la fête accoururent vers Raphaël les nombreux élèves qui fréquentaient encore ou avaient fréquenté autrefois ses ateliers. Et ce fut entouré comme un roi qu'il vint se mêler à cette foule qui encombrait les pelouses du bal et les bosquets de promenade. Devant lui, toutes les têtes se découvraient et s'inclinaient avec respect. Les nobles seigneurs empressés venaient serrer les mains qui enfantaient les chefs-d'œuvre de leurs galeries. Les vieux romains étaient fiers de cet homme qui ressuscitait la vieille gloire, et les jeunes filles regardaient avec une admiration jalouse celle qui avait conquis son amour. Enorgueillie de ce triomphe de son amant, Stella semblait à vue d'œil grandir en beauté. Le soleil jouant dans sa chevelure d'or lui donnait des reflets fauves qui miroitaient sur le pur incarnat des joues et sur le velouté bleu de la prunelle. Jamais ovale plus harmonieux n'avait été taillé par les sculpteurs d'Athènes et de Corinthe, et l'on était près d'oublier, à l'aspect de cette merveille vivante, toutes les madones que Raphaël avait déjà pendues au mur des églises et des couvents. Jules Romain, le premier, marchait à côté du maître. Il le conduisait vers une rotonde isolée, où par ses soins était préparé le repas de la fête. En pareil jour, Raphaël invitait tous ses élèves, anciens et nouveaux, à sa table. Au moment où Raphaël et la fornarina allaient entrer, un hardi Popolano s'approcha d'eux et, avec la liberté tolérante de ces jours de fête, offrit à Stella un bouquet de violettes qu'on eût dit nouvellement cueillies. L'insoucieuse enfant, heureuse d'avoir à la main ses premières fleurs printanières, allait respirer leur parfum enivrant lorsqu'un second Popolano, s'élançant brusquement vers elle, les lui arracha avec violence et les foulant aux pieds. « Taddeo m'avait volé ce bouquet, » dit-il à Stella avec un sourire. « C'est celui-ci que je voulais vous offrir. Taddeo m'a joué un vilain tour et je le rattraperai pour me venger. » Ces mots dits, il présenta un second bouquet et Stella allait le prendre quand Raphaël, s'adressant au Popolano, « Ami, tu pourrais bien offrir ton bouquet sans fouler aux pieds celui de ton camarade. »« Ah, seigneur peintre, que voulez-vous, la colère ? T'as fait commettre une sottise, mon ami, pourquoi maltraiter des fleurs ? Excusez-moi, seigneur Raphaël. » Je connais la signora Stella depuis qu'elle était tout enfant. J'ai habité 10 ans la rue des marchands de Chapelet. Vous aussi, seigneur, depuis longtemps je vous connais, et je m'étais fait une fête d'offrir aujourd'hui ces violettes à votre Stella, lorsque Taddeo, le misérable... Ah, le voilà qui rôde encore autour de vous. Et cet homme s'élança à la poursuite de l'autre Popolano, pendant que Raphaël, la fornarina et leurs amis entraient dans la rotonde. Les hommes de génie ont tous et toujours eu des amis inconnus qui ont veillé sur eux et ont travaillé avec eux énergiquement, quoique dans l'ombre, à écarter de leurs pas toutes les embûches. Le moine Pietro était pour Raphaël un de ses amis. Il aimait l'artiste d'une de ses affections profondes que le génie seul peut inspirer quand on aime l'œuvre autant que l'homme. Par un rare concours de circonstances, Pietro avait été instruit de toutes les intrigues et de tous les déguisements de la Vanozza, et dès lors il avait résolu de se poser en vigilante sentinelle autour de Raphaël et de l'objet de son amour. C'est lui qui venait d'arracher à Stella le bouquet empoisonné qu'elle tenait à la main. Il rejoignit Taddeo, le spalassin à gages, et l'entraînant dans un massif d'arbustes, il lui dit « Écoute, Taddeo, je te connais et tu ne me connais pas. Tout à l'heure tu as voulu tuer une jeune fille parce qu'on t'avait payé ce meurtre. Voilà ton dernier crime. Je connais tous les autres, comme celui-là. Si tu ne pars pas sur le champ, je te dénonce et te fais rouer vif. Va-t'en. » Taddeo ne se fit pas répéter cet ordre. Pietro parlait, quoique déguisé en Popolano, avec un ton d'autorité qui en eût imposé à de plus braves. La partie était mauvaise pour un pauvre diable vivant du crime. Taddeo disparut et ne reparut plus à la fête de Vaccano. Cependant, ni Paolo, ni Giacomo, ni leurs amis n'avaient aperçu le maître. Seul Antonio Banozzi l'avait vu, et depuis ce moment, il détournait l'attention de ses camarades de ce qui pouvait se passer dans les bosquets voisins. L'heure fatale approchait, et la jalouse femme ramassait tout son courage qu'elle sentait prête à défaillir dans ce moment décisif. Elle fit au Popolano qui rôdait encore autour de la tonnelle un signe de tête affirmatif, puis, s'adressant à Paolo, « Sais-tu, Paolo, que nous venons de commettre une grande faute, et laquelle ? Ta parole est toujours disposée à nous mener de surprise en surprise. Nous t'écoutons. Quoique nous n'allions plus à l'atelier de Raphaël depuis longtemps, que nous ne soyons presque plus ses élèves, n'aurions-nous pas dû aller le saluer ? Sans doute, mais je ne l'ai pas vu à la fête. Il n'y sera pas venu. Depuis qu'il a pour maîtresse la jeune fille blonde du Fornaro Gaffarelli, on ne le voit plus nulle part. Les hommes changent ainsi avec le temps. Eh bien, c'est ce qui te trompe, Paolo. Raphaël est ici et dans la rotonde du bosquet voisin. Et comment le sais-tu? Parce que mes yeux ne sont pas comme les tiens et qu'ils voient tout ce qui se passe autour de moi. Ainsi, tu as vu passer Raphaël et s'acheminer vers cette rotonde. Faut-il te le répéter encore une fois? Je l'ai vu, te dis-je, je l'ai vu entrer il n'y a qu'un instant. Ami, ne tardons plus alors, allons donc à Raphaël. Ce fut toujours un bon et digne maître. Et Paolo et ses camarades se levèrent et s'acheminèrent vers la rotonde désignée par Antonio. Vanozzi avait raison. Ses yeux avaient bien vu, et si ses camarades avaient été moins préoccupés d'eux-mêmes, ils auraient pu voir aussi l'étonnement et l'effroi qui se peignirent sur la figure du jeune homme quand, après avoir reçu le bouquet de violettes, la Fornarina n'était pas tombée foudroyée. Antonio n'avait pu comprendre la scène qui avait suivi, et cette en proie à une vive curiosité qui avait poussé ses compagnons à aller vers le maître. Quand ils arrivèrent, le repas était déjà commencé et la gaieté régnait partout, excepté sur le visage toujours rêveur et mélancolique de Raphaël. Du plus loin qu'il aperçut les compagnons, Jules Romain leur cria « Voilà des déserteurs qui nous reviennent. Hé, Giacomo, Paolo, Antonio Vanozzi, vous tous, qu'étiez-vous devenus? Voilà longtemps qu'on ne vous voit plus au milieu de nous. » À ce nom d'Antonio Vanozzi, Raphaël avait regardé par la fenêtre ouverte venir les compagnons. En reconnaissant sous ses habits de cavalier la femme de la place Antonine, il sentait une froideur mortelle lui passer dans les os, et volontiers il lui parlait, s'il n'eût craint de troubler encore, mal à propos peut-être, la joie de cette fête. Les élèves fidèles aux ateliers du maître reçurent leurs anciens camarades avec la plus franche cordialité. On se serra autour de la table du festin et chacun put alors y trouver place. Antonio jouait son rôle avec une habileté qui eût trompé des regards moins clairvoyants que ceux de Raphaël. Mais l'artiste, mis en garde, ne perdait pas de l'œil cette femme dont il avait méprisé l'amour. D'ailleurs, le matin même de ce jour, il était allé à la rue des Marchands de Chapelet, et l'état de dépérissement dans lequel il avait trouvé Mama Lucia, les explications que celle-ci lui avait données, avaient fait entrer un affreux soupçon dans son cœur. Le hasard cependant servait Antonio Vanozzi au-delà de ses espérances. Dans ce remuement de place qui s'était fait à leur arrivée, il s'était trouvé mis à côté de Stella, de telle sorte qu'il avait la jeune fille sous la main pour l'accomplissement de ses idées de vengeance. Mais il avait aussi devant lui Raphaël, dont l'œil le voyait obliquement pendant qu'il lançait ses regards d'amour à la belle Fornarina. Parmi les convives, nul ne soupçonnait ces mystères dont ils étaient entourés. Il se laissait aller avec un entrain plein d'insouciance au charme de cette fête qui, un instant, avait mis dans tous les cœurs l'oubli des rudes travaux. Entre tous, Paolo se faisait remarquer par son inaltérable gaieté. Il racontait à ses vieux compagnons d'atelier toutes les bonnes fortunes dont il était accablé depuis quelque temps, la figure piteuse des marchands quand ils les renvoyaient à des jours trop éloignés et la joie des jeunes filles qui obtenaient leur portrait de sa main. De son côté, Giacomo n'obtenait pas un moindre succès que Paolo, et après avoir raconté son histoire de la Saltarella, il allait dire les promesses que lui avait faites la jolie fille brune de Subiaco, lorsque Raphaël l'interrompant. « Il paraît, mes amis, que les aventures abondent par ces temps-ci à Rome. Tous les jours j'en entends raconter de nouvelles, et dernièrement à moi-même, il en est arrivé une assez singulière. » Et Raphaël, en quelques mots, raconta sa visite au palais de la place Antonine à la signora Fiuma. Pendant qu'il parlait, son œil avait pris ce regard flamboyant qu'il n'avait d'ordinaire que devant ses toiles, et ce regard terrible dans la fixité de son expression ne cessait de s'adresser à Antonio Vanozzi. Tous les élèves gardaient le silence, ils attendaient que le maître eût fini. « Ce que vous nous racontez, maître, ne nous étonne point, » dit tout à coup Paolo. « Nous vivons dans un temps fécond en bizarrerie. » Il y a quelques jours, Antonio nous racontait une histoire analogue arrivée à Venise à l'époque assez récente où il y travaillait. « Antonio, » demanda Raphaël, ne regardant plus la jeune femme, « vous a-t-il dit comment s'est terminée cette aventure vénitienne ?»« Non, maître, mais aujourd'hui, il a promis de nous dire le dénouement. »« Eh bien, Antonio ne vous le dira pas. Le dénouement, le voilà. » Ces paroles dernières furent prononcées par une voix terrible qui entrait dans la rotonde du festin par la fenêtre ouverte derrière Raphaël. En même temps, un homme, tous le reconnurent, c'était celui qui avait offert le second bouquet de violettes à Stella, s'élançait par la fenêtre dans la salle et se plaça auprès de Raphaël. « Rassurez-vous, mes seigneurs, » dit-il au jeune peintre, « vous n'avez rien à craindre de Pietro. Votre maître m'est plus cher qu'à vous tous. Je veille quand je vois sa vigilance qui s'endort. » Et rapide comme l'éclair, après avoir dit ces derniers mots avec une intonation lugubre, le faux Popolano courut de l'autre côté de la table et saisissant le hanap d'argent dans lequel Stella allait tremper ses lèvres. « Mes amis, » s'écria-t-il, « la femme de la place Antonine est ici, et cette coupe est empoisonnée !» Tous les convives étaient debout, et chacun se pressait autour de Raphaël. Stella, pâle comme une morte, était retombée sur son siège, après avoir essayé de se lever. La pauvre enfant était évanouie. Le moine Pietro cherchait partout la Vanozza pour lui faire boire le breuvage qu'il destinait à la Fornarina. Mais à la faveur du tumulte, Antonio avait disparu. Son adresse, qui n'avait pu tromper l'œil de Pietro, était vaincue, mais la bataille livrée demandait des représailles.